Salut tout le monde et bienvenue dans La POC, votre podcast de hockey animé par Joey Gagné et Jerry Godbout. Hey, salut! Salut! Hey, comment ça va toi, de ton bord? Ça va très bien. Le début de saison bat son plein et tout va... Il y a du hockey. Fait que juste ça, ça fait ben du bien. Sinon, non, c'est... Tout tourne autour du hockey, finalement. Puis il y a tellement d'affaires à jaser, là. Tu me posais la question avant le show. J'ai genre 9 sujets, là. C'est juste mon gueule, là. Ça va être un show de malade. Ouais, on va jaser ça. Tu vas voir. Ouais, mais là, comme moi, j'en ai plusieurs, je me suis dit, Jerry, tu vas prendre bonne trois paroles. Laisse donc la place à Jerry, tu sais. Donne-nous la chance de connaître la POC, puis, tu sais, de patiner un peu, là. Ah oui, ah, avant, attends un peu, là. La mine est déjà ouverte. Fait que... C'était probablement le moins bon... Une imitation de canette de bière la moins haute du monde, mais c'est correct. Donc, la bière est ouverte. Le show aussi. Bienvenue tout le monde dans Hors-jeu. Puis Jerry, go! Je trouve ça vraiment drôle parce que en fait, j'arrête pas de faire l'erreur, moi, avec. Il faut pas oublier que c'est rendu la POC. Hein, je viens de te dire Hors-jeu? Oui, mais moi tout, je l'ai dit à la fin du dernier show. Merde! Donc, la POC. Hey, d'ailleurs, faut mentionner, ça, on n'a pas pu le faire sur le dernier show parce que c'était pas fait encore. Tu sais, on a fait la transition tranquillement, pas vite. C'est beaucoup de l'aide de Luc qui nous a permis d'avoir un nouveau site Internet. En fait, c'est le même site web, sauf qu'on redirige depuis une nouvelle adresse, lapoc.net. Je trouve ça tellement malade. Ouais, puis moi j'avais pas trop catché sur le coup. La POC dans le net, c'est parfait. Tu sais que ça fit ben trop. Je veux remercier aussi Maxime qui nous a fait notre modification de logo. C'est Sacha Lefebvre qui a fait le logo de base, mais je voulais pas avoir l'air d'un têteux. Il y a bien des contrats, il est bien occupé. Fait que Maxime qui s'est occupé de changer le lettrage pour que ça soit la POC. Donc il a repris les mêmes couleurs, il a repris un peu la même fonte et il nous a permis d'avoir une bannière pour notre site internet et notre logo sur Facebook avec le bon nom. Fait que ça, c'est très, très nice. Et aussi, on remercie à nouveau Frank Pocket pour l'intro de show et pour notre promo sur sportradio.ca. Et, ah oui, autre affaire. On s'en vient sur Radio H2O. Oui, c'est vrai, c'est lol. Oui, ça commence aujourd'hui. Donc, les auditeurs de Radio H2O, bienvenue sur la POC. On est très content d'être avec vous autres. Et ben dans le fond, vous allez apprendre à nous connaître. Nous sommes deux garnements qui jasons de hockey à la bonne franquette. Et notre émission est aux deux semaines pour être le plus régulier possible. Et je pense qu'on va prendre cette tradition-là d'entrée de jeu. Vu qu'il y a une certaine temporalité, on va dire la date. On enregistre le lundi 7 novembre 2016. Et le Canadien de Montréal a une fiche assez intéressante de 10 victoires, une défaite et une défaite en prolongation, 21 points. Il est premier dans l'Est. Comme ça, moins quand même intéressante. Quand même intéressante. Elle est super bonne comme fiche. Ouais, la fiche en tant que telle est belle, mais ça dit pas tout. On est d'accord. Non. Ouais, mais non, c'est pas une game qui va changer le début de début de saison. Non, oui, trois, tout je sais, mais non, une. Là, on va parler du 10-0. OK. Avec ça, parce qu'il faut starter avec ça. Non, t'as un peu, là. On peut pas commencer avec le 10-0, faut commencer avec la vraie première game problématique, celle contre les Canucks de Vancouver. Victoire de 3-0, Carey Price a sauvé les meubles. J'ai les stats en avant de moi. Au chapitre des lancers, c'est abominable. Le Canadien a lancé 20 fois et Carey Price a reçu 37 lancers. C'est pratiquement le double. Ouais, mais ça a tout le temps été le même. 42 lancers, excuse-moi. Donc c'est bel et bien le double. Puis non, c'est pas censé être toujours comme ça. Non, mais c'est pas censé, ça c'est sûr, mais c'est le Canadien. Je vais être d'accord avec un point que je suis sûr que tu vas apporter, c'est que le Canadien se fie beaucoup trop à son gardien de but, puis ça je pense que tout le monde va être d'accord. T'es d'accord? Ben, on n'est pas censé avoir été chercher du talent, justement, puis de l'orgueil, puis du leadership pour pallier à ça? Ouais. Lui, il fait bien. Puis le gars qui va jouer avec lui, il fait bien. Sauf qu'il y a quand même trois paires de défenseurs, là. Non, mais je parle même en avant, là. Chat, il était pas censé faire une différence? Chat, on va en reparler, OK? OK. Le minou, d'après moi, il est dégriffé. Mais. Il est dégriffé, tu dis? Regarde, ouais. Marco, là, direct là-dessus. Andrew Chat, en pré-saison, tout feu, tout flamme, était excitant à voir aller. Il y a eu une suspension, s'est fait avertir sévèrement par la Ligue nationale, par le préfet de discipline, Stéphane Quintal. Et depuis ce temps-là, c'est plus le même, là. Il est passé de matou à chaton, là. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'il a changé son identité, ce qu'il faut pas qu'il fasse. Faut qu'il continue à vouloir tout défoncer, même si des fois, il va être sur le bord de la limite. Combien de points, Andrew Shaw? Andrew Shaw a 5 points. Pas vrai, 3 points. Ouais, là, wow. T'as quasiment doublé sa production. Ouais, non, ça, il est à 3 points, un but, 2 passes en 12 matchs. Je te l'accorde, ce n'est pas beaucoup. Mais. C'est comme une production de calibre de 4e meilleur salarié de l'équipe en attaque? Non. OK, c'est bon. J'essaie de trouver un argument pour te contrer ça, mais. Ouais, je l'ai pas. Non, mais pour vrai. Bon, encore là, on va se dire, il y a 12 games à jouer. Là. Je veux dire, le gars peut quand même se rattraper dans les 70 autres matchs. Là. Oui. On espère tous. Mais. Non, regarde, pour vrai, c'est pas dans. C'est un moins bon début de saison. Là. C'est pas le Andrew Shaw de Chicago. J'espère en voir plus. Regarde, pour vrai, je n'ai rien pour contrer ton argument. C'est plate de même. Il m'aide pas à l'aider. Non, j'avoue. Sinon, ben, allons-y avec la défaite de 10-0. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, là-dessus? Ben, 10-0, de 1, je vais faire un appel au calme. Ouais, faire des appels au calme. 10-0, là, hey. Non, mais pour vrai, Moutou, là, je capotais. Là, je dis que j'ai pas regardé. J'ai comme pas vraiment regardé la game. Moi, je l'écoutais. C'était malaisant. Ouais, ben j'imagine. Écoute. Viens un bout où est-ce que tu dis, tu sais, pis oui, à 7-0, on arrête la game, là. Ouais. Pas mal sûr que Terrier y aurait accepté, là. On va faire forfait, là. Merci, bye. Ouais, ben la troisième période a été jouée pour la forme, on va se le dire. Non, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, c'est une game. Je veux dire. Ok, c'est 10-0. C'est impressionnant comme défaite. C'est Columbus. Ce qui double l'impression. Mais je suis quand même pas prêt à dire que c'est à ce point-là. Tu sais, je veux dire, comme je dis, il reste 70 matchs à jouer. Là. Peut-être que dans 10 ou 20 matchs, on n'en parlera même plus de cette défaite-là. Là. Ah non, oui, on est d'accord, mais c'est que ça commence à devenir une tendance. Contre Vancouver, une victoire par Carey Price et uniquement par lui. Après ça, t'arrives à Columbus, puis c'est pas Price d'un but, et tout le monde se traîne les pieds, tout le monde joue mollement. Les seuls défenseurs, là, j'ai l'affiche du match en avant de moi, les seuls défenseurs qui sont à neutre dans le différentiel, c'est Weber et Emelin. Puis les seuls attaquants, c'est ton quatrième trio. C'est Flynn, Mitchell, puis Dano. Le reste, tout le monde est d'un moins. Tout le monde. Sauf Weber, t'as-tu mentionné Weber? Oui, j'ai dit les défenseurs, Emelin et Weber, étaient neutres. À 0-1. Ouais. Et ça, là, c'est catastrophique. Et ce que moi, j'ai remarqué, j'ai été voir, j'étais à l'aréna, j'étais au Centre Bell samedi pour le match contre les Flyers de Philadelphie. Et le Canadien de Montréal, ça paraît pas au score, là, à 5-4, mais s'est fait dominer tout le match. Si c'était pas de Price, cette game-là se finit avec au moins 3 buts de plus pour les Flyers. Au moins. Même Price était chancelant. Là. Oui, à certains moments. Finisse, pour que ça finisse à 5-4, il y a peut-être un ou deux buts là, que tu peux peut-être dire OK, tu as dévié à dernière seconde. Je veux dire, même bien beau que le meilleur goaler de la planète, là, ça doit être assez tough à arrêter pareil. Mais sinon, c'était pas. Il y avait déjà de l'air un peu fatigué. Mais il y a quand même un début de saison assez éreintant en partant. Fait que ça peut être l'explication. Ben, il a manqué les trois premières games. On alterne de façon... tu sais, les deux matchs en deux soirs, on alterne. Je sais pas jusqu'à quel point on peut parler de fatigue pour Carey Price, là. Ouais, non, peut-être pas, mais en même temps, là, c'est le c'était-tu le lendemain? Ouais, c'était le lendemain du match de Columbus. On s'entend que tout le monde devait encore l'avoir dans la tête. Mais normalement, justement, tu devrais sortir avec le couteau entre les dents. Tu devrais être mode guerrier, tu devrais vouloir tout défoncer. Et c'est l'impression qu'on a eue, là. Les premières minutes, en fait, jusqu'au but de Markov, qui a entamé le match avec un boulet de canon, ça allait bien, là. Puis après ça, l'énergie était comme plus là. Comme si, tout d'un coup, on se disait « Ah, ben la game de 10-0, c'était une erreur de parcours, puis on peut retourner sur le pilote automatique. » Puis non, tu ne peux pas faire ça dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Et... Michel Therrien va devoir fouetter ses gars pas mal plus que ça. Parce que moi, ceux qui m'inquiètent là, réellement là, dans l'équipe, c'est Markov. C'est celui qui m'inquiète énormément. Il a été... Il est à plus 1 le match contre les Flyers. Là. Mais il a été à l'origine de tellement de revirements. Au moins 2 contre 1. Que c'est directement lui pour un mauvais jeu, un mauvais placement, le fait qu'il soit rendu tellement lent. Et malgré tout, on continue à le jouer autour de 20 minutes par match. Ouais, ben il est en moyenne 20 minutes. Là, je te dirais que les 4 derniers games, c'est peut-être les 4 qui ont été le plus tough. Là. 20 minutes à Toronto, un 19 minutes, un 17 minutes à Columbus. Mais Columbus, je pense que tout le monde était... C'était scrap, là. 20 minutes, ouais. C'est en moyenne, ça, un bon 20 minutes. Il était moins 4 avec Petrie. Ouais, ben en fait, c'est dans les plus et moins, c'est le ben en fait, c'est le joueur avec le... C'est à moins 3. C'est lui qui trône au bas du classement dans l'équipe avec Jeff Petrie. Bon, Jeff Petrie joue avec André Markov. Ah, j'ai tellement l'impression qu'il essaye de compenser, là. Ouais, ben ça, c'est sûr. Puis tu vois que Jeff Petrie était beaucoup... Il était vraiment meilleur quand il a joué un peu avec Alexei Emelin. On dirait qu'il était plus porté à l'attaque. Puis justement, il avait quand même un bon début de saison. Lui, là, mais depuis qu'il joue l'André Markov, on dirait que il fait un peu la même affaire que Subban. T'sais. Il sait pas s'il faut qu'il y ait en avant, il presse en arrière. C'est pas le même style de jeu. Fait que d'après moi, Markov peut nuire un peu à Jeff Petrie, ce qui est un peu dommage parce que... Les premiers games, Petrie, moi, j'étais comme « Wow, ça paraît, lui, qui était pas là l'année passée, tu sais. » Puis, tu sais, je veux pas tellement pas ressortir le débat Subban Weber, là, mais tellement pas, là. Mais ça démontre à quel point Subban, l'an passé, a compensé pour Markov, là. Ah ouais, puis il était le meilleur pointeur de l'équipe. Fait qu'il aurait pu... Mais ça, sans revenir sur l'échange, on peut se dire que Subban, c'est une machine, c'est une brute, là. Je veux dire, c'est un... C'est un joueur comme tu l'aimes, du talent pur. Dans le meilleur des deux mondes, tu sais, t'as Weber et Subban dans la même équipe. On s'entend là-dessus, on est tous d'accord. T'as la meilleure paire défensive de toute la Ligue nationale. Certainement. Mais on s'entend aussi que l'an passé, Subban a été jumelé 99% du temps avec Markov. Puis il s'est entraîné comme un mongol. On voyait là, plein de photos de son entraînement cet été, là, Markov. Tu peux pas dire que le gars il est moins bon que l'an passé. Je pense que c'est pas mal kiff-kiff. Là. Il est aussi lent. Ses forces sont encore là. Sa vision, ses passes, c'est tellement précis. Il est capable de faire des petits tours de magie. Mais dans le vif de l'action, quand ça joue proche de lui, tu le vois, là, les équipes ils vont toujours de son bord pour rentrer. Quand un attaquant qui rentre à pleine vitesse, c'est jamais du côté de Petrie parce que Petrie est capable de couper les jeux, est capable de garder la distance. Un attaquant qui rentre en vitesse, c'est du bord à Markov. C'est toujours comme ça. Ben c'est normal. Il y a des faiblesses de la rapidité et tout. C'est sûr que tu vas passer par là. Puis ça démontre vraiment une faiblesse flagrante de la défensive du Canadien parce que regardons ça là, comme ça. Là. T'as Weber, qui est ton défenseur numéro 1 d'office. Là, on le fait jouer avec Emelin. C'est pas trop pire. Il a de l'air d'un défenseur correct jusqu'à preuve du contraire. Puis contre Philadelphie, il y a certaines choses. Je fais comme « Wow! » Il m'épatait. Il se permettait plus de punch en attaque que jamais. Puis il y a aussi des séquences où est-ce que tu fais comme... Pourquoi t'as cherché le hit? Pourquoi t'as forcer le contact. Parce que ça a généré un 2 contre 1. Tu sais, il n'est pas tout à fait là encore. C'est sa pire faiblesse. C'est le hit. Mais c'est le fun. Ce qui est censé être sa force. Oui, mais en fait, parce que oui, c'est sa force, sauf que faut que tu hits avec intelligence. Si tu plaques un joueur pour le plaquer, puis que justement tu crées un 2 contre 1 ou des trucs comme ça, tu sais, oui, c'est le fun. Tu as Weber qui est quand même, honnêtement, moi, défensivement, Weber m'impressionne, c'est efficace, ça n'a même pas de bon sens. Je pensais que c'est sa lenteur, parce que. OK, je pensais que sa vitesse, qui n'était pas aussi bonne que celle de Subban, allait avoir un plus grand impact que ce qu'on voit là sur la glace. Je pensais vraiment. Honnêtement, oui, je vais te l'accorder que Weber est peut-être moins rapide. Ça, c'est sûr, c'est évident, puis ça se voit. Ah oui, oui, mais tu sais, il compense autrement. Ça, on est d'accord. C'est tellement l'intelligence du jeu fait qu'il reste tellement dominant, puis tu sais, je veux dire, c'est pas rien. Là. Le gars est à plus 15. Écoute, il fait passer Emeline pour un défenseur numéro 2. Ben oui, puis Emeline. Ce qui est le fun avec lui, c'est que justement, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus confiance quand il joue avec un Shea Weber. Ben oui. C'est normal, là, je veux dire, c'est évident, tu sais. Mais, comme tu dis, il rend Emeline comme un petit peu plus complet, puis ses erreurs, parce qu'il en fait quand même, tu sais, comme les hits qu'il va chercher pour absolument rien, ou il essaie de changer le momentum d'une game, ce qui est quand même bien, mais des fois, il choisit peut-être mal son moment. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la vitesse pour aller pincer le gars puis revenir dans le jeu. Ben c'est ça. C'est carrément ça. Mais avec Weber, ça paraît peut-être un petit peu moins. Parce que Weber est en arrière. Mais la question que je vais te poser, c'est par rapport à l'aide qu'ils apportent. Weber aide aide Emeline à bien paraître. Et l'an passé, Subban aidait Markov à bien paraître. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Puis je parle pas du talent de Weber et de Subban. Est-ce que tu préfères un Emeline bonifié ou un Markov bonifié? Un Emeline bonifié, tu sais pourquoi? On va pouvoir les changer. C'est une bonne réponse ou c'est pas une bonne réponse? Ben là, c'est un de mes sujets. Ouais. La semaine passée, moi j'écoute le podcast On Jase. Qui est propulsé par RDS avec Martin Lemay qui est à l'animation. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. Vous allez pouvoir détester tout autant que moi Gaston Therrien et apprécier les analyses de certains joueurs comme Alex Burrows qui viennent faire leur tour. La semaine passée, ils ont eu Seth Jones en entrevue. Quand même très, très cool. T'sais. C'est des entrevues t'sais, de fond en comble. Tu passes un 20 minutes avec le gars puis tu jases comme du monde. T'sais, de la situation, c'est pas la TV puis la radio qui peuvent te fournir ça. Fait que excellent podcast, allez l'écouter. La semaine passée, Gaston Therrien est dans une croisade incroyable. Il y a des rumeurs chez le Canadien de Montréal qui indiquent que Marc Bergevin serait à la recherche d'un défenseur numéro 2. Puis là, on se dit, ben oui, mais OK, intéressant. Mais c'est quoi la monnaie d'échange? Et là, Gaston Therrien est en croisade pour dire « Ben oui, mais Emeline, c'est une bonne modèle d'échange. Pour aller chercher un numéro 2. » Là, tu fais comme « Ben oui, mais c'est quoi cette réflexion-là? » On le sait, nous autres, à Montréal, que c'est pas un numéro 2. Là, que c'est une... C'est une parure. C'est une parure. C'est Weber qui le fait bien paraître aux yeux des autres. Je pense pas qu'il y a un DG qui va tomber dans le panneau. Pense pas là, que les autres DG font comme ben voyons donc! Il est donc bien bon! Ben Charlie peut-être, il l'aimait dans le temps où il était avec les Bruins. Charlie! C'est les yeux du village, mais tu sais en même temps, est-ce qu'il va tomber dans le panneau de tous les DG tout le temps? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Mais ça à peu près la seule place où est-ce que je peux croire qu'on voit Emeline plus gros qu'il est, là? Ben. Moi, je changerais Emeline pour un attaquant. T'appelles là-bas. Puis s'il voit Adam Larson comme un numéro 1, Chris peut peut-être voir Emeline comme un numéro 2. Là. Moi, je dis ça de même. Mais tu peux pas sérieusement me dire Emeline est ton argument de vente. Non, non, non. Faut que tu mettes autre chose avec ça, c'est sûr. Mais c'est ce que Gaston Therrien nous disait avec tout le sérieux du monde. Ouais, mais attends une minute. Gaston Therrien, répète-les bien vite. Là. C'est ce que Gaston Therrien essayait de nous faire croire que Emeline était une bonne monnaie d'échange pour attirer un défenseur numéro 2. Moi, je vois deux problèmes là-dedans. Premièrement, le talent. On s'entend que Emeline n'a pas le talent pour être un défenseur numéro 2 à long terme. Tout le monde le sait, je le sais, ma grand-mère le sait, ton arrière-arrière-grand-mère dans sa tombe le sait. On est tous d'accord là-dessus, sauf Gaston Therrien, puis j'espère qu'un des 29 autres DG de la Ligue fasse comme peut-être que. Non, ça marche pas de même, là. T'sais, ils ont des scouts, ils ont des gens qui évaluent le talent, c'est pas des idiots. Pas se poser. Ouais, l'autre c'est affaire, c'est que tu te dis un défenseur numéro 2 va avoir un salaire de gars numéro 2. Ou va être un jeune qui prend pas beaucoup de place, puis qu'éventuellement tu t'espères qu'il va devenir un défenseur numéro 2. Mais c'est clair que dans la Ligue nationale comptable d'aujourd'hui, il n'y a pas grand club qui est capable d'acquérir un 4 millions de dollars de salaire de Emeline. Puis de donner en retour un défenseur, soit numéro 2 en ce moment, soit qu'il sera éventuellement. Pourquoi une équipe se départirait d'un défenseur numéro 2 en devenir, qui est une recrue, qui est un jeune joueur, qui a un petit salaire, pour aller chercher un gars qui a un salaire de 4 millions? Ben, s'il fait plus. S'il fait plus dans l'entourage, s'il fait. Tu sais, un des meilleurs exemples que je peux donner, c'est Tyler Seguin. C'est pas un défenseur, là, mais le meilleur exemple, c'est le gars qui fait plus dans l'entourage. Il a quand même été échangé pour un gars qui valait probablement cher. Eriksson, dans le temps, il avait quand même un papier contrat, là. Puis, oui, c'est la base des échanges. Il y a eu d'autres choses. Mais tu sais, si tu regardes ça comme ça, je suis vraiment pas en train de comparer un Emeline ou peu importe, là, mais tu as donné une idée de... Il y a tout le temps possible d'échanger un jeune à quelque part pour... autre. Tu sais, mettons... Je m'emporte, je dis trop d'affaires en même temps. Mettons que tu échanges Emeline. Ouais. Puis... J'extrapole en maudit, là, juge-moi si tu veux. Emeline t'appelle Edmonton. Tu dis, hey, j'ai Emeline, j'ai, mettons, un Charlie Lindgren, qui peut être encore une monnaie d'échange parce que c'est quand même un jeune, bon gardien de but. T'appelles Edmonton, tu demandes, je vais, faut que je lise un joueur vite demain, moi, là. Je vais mettre Nugent Tompkins, mettons. Eh, prêt. Eh, boy. Je suis sûr que ta réaction me le dit là, que c'est n'importe quoi. Sauf que si Nugent Hopkins devient un problème pour Edmonton avec son 6 millions, avec le fait qu'ils ont plein de centres... Ouais, mais c'est un 6 millions, puis le Canadien a 2 millions d'espace. Ouais, mais tu te débarrasses d'un 4.5. Non, non, c'est 4 piles. C'est 3.9, en fait, Eminem. Bon, fait 4 millions. Mais tu mets autre chose fait pour égaler, six. Là. T'as un spot de 6, puis tu vas aller chercher un gars de 6... Pis t'as plus d'espace en cas de blessure. T'as plus rien, là. Ben oui, mais j'ai pas pensé à ça en proposant mon trade, là. Mais non, mais je... On jase, là, nous autres, là. Mais Gaston, il est censé être un spécialiste, là. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est Gaston. Pis à l'inverse, comme je t'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ramasser un 4 millions de salaire? C'est 4.1. J'ai dit 3.9, mais c'est 4.1. Quelqu'un qui va aller chercher un 4.1... puis donner des pinottes en retour. À moins de... Ça va être une gaffe s'il fait ça, là. C'est un échange à problème. Point. Ça va être un échange à problème. Ton salaire est trop gros, c'est beau, je vais te donner un mien qui coûte moins cher, mais je l'aime pas tant. Ça va être un échange à problème. T'auras pas ce que tu veux pour Alex Emeline. En gros, c'est un peu... Notre conversation de présentement, c'est ça qu'elle veut dire. Mais... T'auras pas ce que tu veux pour Emeline. Puis j'ai toujours le même... La même finalité d'argument, c'est qu'on se dit tout le temps, ah, oh, le Canadien, besoin d'un défenseur numéro 2, mais qu'est-ce qu'on a à échanger pour un défenseur numéro 2? C'est un défenseur qui n'est pas numéro 2. Ouais, mais en fait, il y a du stock que tu peux échanger là, dans le Canadien de Montréal. Et si on sort de Alexei Emeline, il y a du stock échangeable à Montréal. Et je m'explique, parce que c'était un peu un de mes sujets, là, mais je vais juste comme faire une petite parenthèse. Du stock à échanger à Montréal, il y en a en tabarouette. Il y a Nathan Beaulieu. Là, je parle pas nécessairement pour un défenseur top 2. Je parle pour améliorer l'équipe en général. Nathan Beaulieu peut être intéressant pour certaines équipes. Encore jeune, potentiel, peut-être une petite tête un peu folle, ce qui peut être un désavantage, mais ça se place des fois quand tu changes d'équipe. Un Alex Emeline, t'as Max Pacioretty qui, selon moi, est une bonne monnaie d'échange. Même s'il est capitaine, il n'a rien gagné encore. Le ben Canadien ne l'échangera pas, on va se le dire. Oui, là. Mais moi, je parle de moi. Là. Puis je suis pas dans le Canadien, fait que j'ai le droit de dire ce que je veux. Tu sais, je dis même des joueurs comme Philippe Dano, qui a un Christy de bon début de saison. Moi, je l'aime bien, je le garderais. Ça peut être une bonne année d'échange. Tu ne vas pas aller chercher la lune avec Philippe Dano, si on va s'entendre tout de suite. Mais tu sais, t'as une couple de jeunes, même Patterin, s'il ne fait pas sa place à Montréal, là, parce qu'il y a quelqu'un qui te dépasse, ou tu sais, le Redmond est encore blessé, est-ce que Redmond, quand il revient, il tasse Patterin? J'espère pas. Mais Patterin, ça peut être une bonne année d'échange pour une équipe. Même David Dernais, même si tu y crois pas, ou Tomáš Plekanec, avec un contrat un peu trop intense à 6 millions par année, peut être une bonne monnaie d'échange. Tu sais, je veux dire, il y a des jeunes dans l'équipe qui sont échangeables. Charles Hudon, j'ai parlé de Charlie Lindgren, ça peut être des monnaies d'échange. Oui, mais c'est t'sais, des compléments à des transactions. Tout ce que tu me nommes là, à part Plek et Pacioretty, sont des compléments. Pis, ben, si tu veux faire un gros blockbuster trade, tu peux moi, j'intégrerais un Max Pacioretty ou un Tomáš Plekanec avec des petits à côté, tu sais. Les deux seuls gros joueurs qu'on a pour faire le gros trade, genre t'échanges un joueur, t'en as 18 là, ma part, là, c'est Carey Price puis Shea Weber. Ben, le Canadien jamais va faire ça. Non, effectivement, ces joueurs-là restent à Montréal. On est d'accord là-dessus. Même Galchenyuk, tu l'échanges, je suis pas sûr que tu peux aller chercher quelque chose de pas pire bon. Ouais. Mais aussi bien le garder, tu sais. Ben oui, mais. Max Pacioretty, autant je trouve son leadership n'est pas là, qu'il n'est pas assez intense, autant son salaire est avantageux. À 4,5 pour le rendement en termes de points qu'il t'amène, il est avantageux. Tu veux garder ce genre de gars-là. Là où est-ce qu'il y a des joueurs qui sont surpayés par rapport à leur rendement, t'as Plekanec, t'as Shaw, en tout cas jusqu'à maintenant, puis on n'ira pas l'échanger, on vient de le signer. T'as Desharnais, a-t-il réellement une valeur à 3,5 sur un troisième trio? Parce que c'est sa place actuellement, puis on voit que défensivement... Et quand je suis à l'FI, là, c'était pénible. C'est très, ouais, très pénible. Son contrat finit à la fin de l'année. Oui. Pour de la profondeur, à date limite, ça peut se faire. Fait que ça, là, c'est des éléments que t'as pour aller chercher un... Parce qu'on sait que chez le Canadien, c'est un deuxième centre. Le problème qu'on a, c'est le manque. Fait que t'es en train de me dire que tu vas échanger un gars, un Tomáš Plekanec ou un Desharnais, qui sont des joueurs de centre qui devraient évoluer sur une 3. Puis tu vas aller les échanger pour avoir un 2? Non, c'est pas ça que je dis à 100%, mais... Non, mais c'est toujours ça la problématique. Encore une fois, c'est que le Canadien a besoin d'un deuxième centre, puis sa monnaie d'échange, c'est des centres. C'est pas supposé être comme ça. T'es censé échanger un surplus, une place, pour compenser un manque à un autre. La meilleure affaire qui pourrait arriver demain matin au Canadien de Montréal, ça serait de réussir à combler deux trades. Tu échanges Tomáš Plekanec contre un défenseur numéro 2, et en même temps, tu fais une transaction Alexis Méline contre un centre numéro 2. Mais qui va faire ça? Qui va tomber dans ce panneau-là? Je vois personne. Ouais. À part Charity, puis en même temps, à un moment donné, tu sais, il n'est pas pour tomber dans le panneau à tous les fois, là. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, si tu mets un choix de ronde là-dedans, je sais pas, moi, un Leon Dreisaitl, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais jamais Moncton va échanger Léon, là. Jamais. En fait, la formation des Oilers a plus besoin de faire de transactions. En fait, la seule transaction qu'il faudrait qu'il fasse pendant qu'ils voient encore de quoi, c'est le gros gorille, ça a un, là. Que, oh. Lucci? Ouais. Ils ne changeront pas, ils viennent de le signer. Ben, je sais, mais ça serait ce qu'il faudrait qu'ils fassent avant qu'ils commencent à avoir réellement un impact négatif sur la masse salariale parce qu'il est payé trop cher et trop longtemps pour ce qui amène vraiment sa glace. Pendant que le mirage est encore à peu près là, là. C'est le temps, là. Mais ils ne le feront pas. Moi, j'ai hâte au jour où est-ce que les DG de la Ligue nationale, il y en a un là, qui va allumer, qui va faire le 1er juillet. C'est l'occasion d'aller me chercher des monnaies d'échange. Au lieu de percevoir le 1er juillet comme étant le moment où est-ce que tu t'en vas te chercher des munitions pour ton club actuel, tu dis plutôt, ça va me permettre d'aller changer pour réellement combler mon besoin. Exemple, le Canadien de Montréal. on a besoin d'un défenseur numéro 2 et un centre numéro 2. Ben, au 1er juillet, l'an prochain, tu vas chercher, mettons, un défenseur numéro 1. Il est trop cher à payer, c'est pas grave. Tu le rééchanges tout de suite pour d'autres assets contre des picks, contre des prospects, contre un joueur établi de moindre valeur. Puis tu marches, tu monnaies ton joueur. Ton espace sur le cap salarial, l'argent que tu as à dépenser, tu la maximises de cette façon-là. Au lieu de simplement vouloir essayer de combler ton spot que tu as comblé avec un guest, avec un joueur que tu vas probablement payer trop cher. Ouais, c'est sûr. Il n'y a personne qui actuellement fait ça. Il n'y a personne qui voit cette ligue comptable-là comme elle l'est vraiment. C'est une ligue de chiffres. Si tu as de l'espace sur le plafond salarial, tu es en meilleure posture pour faire tous les mouvements de personnel que tu veux, surtout si tu es une équipe riche. La seule formation qui s'est permis ça, et malheureusement, les résultats sont pas là sur la glace, mais au niveau comptable, ça fonctionne super bien pour eux autres, c'est les Coyotes de l'Arizona qui ont été chercher des faux joueurs, des vrais contrats, mais des faux joueurs qui évoluent pas sur la glace pour des prospects. Puis dans 2-3 ans, ces joueurs-là vont donner des meilleures performances, des performances plus élevées que le salaire qu'ils reçoivent. À la Domi, à la Duclair, tu sais, ces joueurs-là qui t'en donnent plus comme rendement sur la glace que ce que tu payes réellement. Bon, on fait pas ça dans la Ligue nationale. On n'est pas rendu là à monnayer son espace comptable. Un peu de monde qu'ils font. Ça va venir. J'espère. Avais-tu un autre sujet? Ouais, ben. Je voulais parler en général, justement, ça fait 12 matchs. Il y a du monde qui a une bonne saison. Il y en a qui en ont moins bons. Je sais que tu avais posé vite fait la question sur Facebook, puis je voulais qu'on en revienne. Je voudrais que tu me parles, dans le fond, ben moi aussi je vais t'en parler, là, mais de tes surprises en ce début de saison, puis ceux qui t'a. Dans le fond, qui te déçoit au plus haut point. Bon, on a eu un petit in sur la page Facebook avec une photo de Tomáš Plekanec. Ouais, puis t'as-tu vu qu'en bleu, en arrière, c'était le capitaine? Ouais! L'image, c'est pas choisi au hasard, là. Non, ben je m'en doute, parce que m'a dit que c'est pas mal la même affaire pour moi. je vais dire qu'encore plus que ces deux gars-là, ma plus grande déception, c'est Markov, qui, écoute, au début de la saison, les 9 premiers matchs, le Ben Wagon faisait en sorte que ses faiblesses, son ralentissement, son coup de patin déficient, ça paraissait moins. Mais là, ça c'est déjà flagrant, puis t'as 12 games de fait dans la saison. Ouais. À 82e, là, il va avoir la langue à terre, puis il va se couper à force de pilotcher avec ses patins. Là. Ça ira pas bien, là. Ça ira vraiment pas bien, là. Va falloir qu'il prenne des congés. Ben oui, puis tu donnes-tu des congés de game? Parce que des congés d'entraînement, là... C'est pour ça qu'ils me gagnent plus. Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans la Ligue nationale, les entraînements, durant la saison, c'est juste un maintien, là. C'est de peaufiner des stratégies, c'est plus de la mise en forme, là. C'est tellement éreintant une saison que les gars, ils perdent du poids. Ils débutent la saison un certain poids en muscle puis ils finissent plus en muscle. Ouais. Ils perdent ça au fur et à mesure de la saison. Ils essayent de se maintenir. Là. Les joueurs qui sont capables d'arriver en série les plus pimpants, c'est les gars qui ont été en mesure de s'économiser tout au long de la saison. Puis, avec Markov, ça sera pas le cas, là. Non, il va plus en perdre à chaque fois que la saison va avancer. Sinon, bien sûr, Plekanec et Pacioretty, je pense qu'on peut pas passer à côté. Là. Il y a Andrew Shaw aussi, qu'on en a parlé un peu en début de show. Moi, Andrew Shaw, à sa production, là, il me dérange pas tant que ça là, avec 3 points. Là. Pour un gars de 3e trio, c'est pas loin de ce que je m'attends. Mais encore là, c'est son salaire. C'est le 4e attaquant le mieux payé du club. Comment peux-tu justifier un salaire de ce niveau-là pour un gars avec 3 points en 12 games? Dans un club gagnant. Ah, c'est sûr. Mais j'en ai pas contre le gars, là. Je m'attends. Je le savais que c'était ça qui était pour donner. C'est son salaire, mais bon, rendu là, tu sais, il faut que t'assumes, là. T'assumes le salaire parce que ça a l'air qu'on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Ouais. Effectivement, c'est pas nous autres qui payent. Oui. Hey, vas-y avec tes déceptions, puis après ça, dis-moi François Gagnon, puis je pars avec la POC, OK? Mais envoie avec tes déceptions avant, j'ai des choses à dire. M'a dit ma déception, ben sans surprise, j'ai pas mal des mêmes que toi, en fait. Tomáš Plekanec, André Markov, Max Pacioretty, et j'ai une inquiétude envers un joueur qui a un bon début de saison. Mitchell. Mon inquiétude n'est pas le fait que Mitchell ait 6 points, dont 5 buts. Mon inquiétude, c'est que justement, 5 buts, c'est lui qui a le plus de buts dans l'équipe. Ça, bon, OK, on va se dire que Gatchenok en a 4, là, c'est un de moins. Là, c'est pas la fin du monde. Mais Gatchenok, Weber puis Gallagher qui en a 4, le fait. Ouais, ça. Ben c'est ça. Mais le trio, en fait, le duo, parce que, m'a dit tout de suite, Brian Flynn, tu peux l'enlever du trio, ça change pas grand-chose. Mm-hmm. Tory Mitchell et Philippe Dano, c'est, pour moi, c'est mes deux surprises en début de saison. Là. Je veux dire, Dano, 3 buts, 3 passes. Mitchell, 5 buts, 1 passe. Il se complète parfaitement bien, ça n'a même pas de bon sens. Puis, je veux mettre aussi en néon, pour que tout le monde le voit. Oui, en néon dans un podcast. Tu verras absolument rien, mais c'est pas grave. Shea Weber avec un plus 15. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'on pouvait s'attendre à moins que ça? Tu sais, une surprise, ben, c'est que ça dépasse tes attentes, là. Oui, mais quand même, je suis content. Mais oui. Non, je comprends. T'sais, c'est un plus, c'est un thumbs up. C'est pourtant une surprise, ouais, ça. Mais tu sais, c'est comme François Gagnon. Oui! OK, j'y vais, là. On revient à On Jase, le podcast de RDS avec Martin Lemay. La semaine passée, ben écoute, Martin Lemay soulève la question de Tomáš Plekanec et ses performances en dents de scie, puis sa production offensive qui est pas là, puis il a marqué un but là contre Philadelphie, là, mais bon, c'est pas, on s'entend que c'est loin d'être magistral, là, ça va pas super bien pour ton attaquant le mieux payé du club, je te le rappelle. Il a 4 points, 1 but, 3 passes en 12 matchs. Et là, François Gagnon, qui est un fervent défenseur de Tomáš Plekanec, puis c'est correct, t'as le droit d'avoir tes préférés, mais à un moment donné, tu ne peux pas défendre un de tes préférés avec un faux argument aussi gras et épais et flagrant que ça. En entrevue, François Gagnon dit « Mais oui, mais qu'est-ce que ça peut faire au monde, combien est-ce qui est payé? C'est pas eux autres qui le payent. » Théoriquement, il a raison. C'est vrai, je ne mets pas une maudite scène dans le salaire de Plekanec. J'en mets par la bande, par les droits de télédiffusion, que si je t'abonne, ben j'ai le droit d'avoir accès au match, fait que ça paye une partie du salaire. J'en mets dans l'achat des billets. J'en mets dans l'achat de la bière. J'en mets... Bon, tu comprends le principe? Par la bande, on paye tous un peu le salaire, les partisans qui consomment le Canadien de Montréal, on paye tous un peu le salaire de Tomáš Plekanec. Là où est-ce que, moi, ça m'accroche, ce commentaire-là, cette réaction-là, c'est d'enlever complètement la notion de plafond salarial et de l'impact du contrat de Tomáš Plekanec dans une telle réponse. À 7 millions de dollars sur le plafond salarial, Tomáš Plekanec bloque énormément de possibilités pour son DG et empêche de mettre de meilleurs talents en place. Moi, j'ai pas de problème à ce que tu payes un gars 7 millions dans la Ligue nationale. Il y en a qui valent ça, qui t'offrent des performances à la hauteur de ce salaire-là. Mais quand un gars, ici Tomáš Plekanec, est rendu à évoluer sur une troisième ligne, comme il est toujours supposé, là, c'est 6 millis à 2, mais on s'entend que la production offensive est loin d'être au niveau. Tu ne peux pas excuser ces performances-là en disant, d'un côté, c'est un centre de troisième trio et il est bon défensivement. Et de l'autre, en disant, c'est pas toi qui paye le salaire, fait que t'as pas à chialer sur le prix qu'il gagne. Ça n'a aucun... comment je dirais ça? Ça n'a aucune valeur d'argumentaire comme réponse. Mais là, aucune. Et ça me déçoit grandement venant d'un vétéran journaliste comme François Gagnon. Et étrangement, vendredi, lors de la game contre Columbus, François Gagnon parlait des contrats les plus néfastes sur le plafond salarial pour les équipes. Ah, ça, c'est ironique en maudit, ça. C'est drôle. Dans sa chronique, il parle sur les ondes de RDS des mauvais contrats puis de l'impact négatif que ça a. Et la plupart ont été signés le 1er juillet, comme à tous les années. Mais, en podcast, pour défendre son pléganet, ben oui, non, c'est pas toi qui le paye. Comment tu peux faire ça d'un côté pour Montréal, pour excuser le geste, le mauvais travail de Bergevin sur ce coup-là, et de l'autre, quand c'est même pas l'équipe que tu couvres et qui a un impact sur les partisans qui consomment ton produit, là, le salaire, c'est correct, t'as le droit d'en parler négativement. C'est encore moins nous autres qui le payent. Donc, ça devrait être encore moins un argument. Ah, c'est n'importe quoi, là. Pourquoi tu nous prends pour des idiots? François, je veux une réponse. Pourquoi tu te permets de nous considérer comme étant tellement idiots que tu nous passes un sapin gros de même comme réponse? C'est pas vous autres qui le payent. Je suis outré. Je suis fâché. En réalité, oh, je m'en fous un peu, là, mais ça n'a pas de bon sens de considérer ton public comme ça. Non, oh, c'est épais, là. Ah, en tout cas, mais y a, pour pas. Y a-tu mis Plekanec dans sa chronique? Non. C'est drôle, hein? On peut difficilement jaser contre le Canadien quand on est chez RDS, propriété de Bell, qui est en partie propriétaire du Canadien de Montréal. C'est étrange, tout ça de même. Ouais, non, ça c'est un peu mauvais, là. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses? Cette semaine, on a eu le retour dans la Ligue de l'Ontario de Mikhail Sergachev. Je veux avoir tes impressions sur le passage du kid à Montréal, de l'utilisation qu'on en a fait, le temps qu'on lui a permis d'être à Montréal, le retour. Est-ce que tout ça a été positif selon toi? Honnêtement, mais moi je te dirais que oui. Parce que vécu dans un environnement NHL, oui, OK, il n'a pas assez joué, honnêtement, selon moi. Il aurait pu jouer plus, surtout certaines parties où ce que le Canadien dominait et que ça allait juste trop bien. Je veux dire, tu peux te permettre de te faire au pire des pires, te faire encaisser un but de plus. Hey, c'est drôle, c'est mon argument, ça. Je disais ouais, ça tantôt. Mais non, c'est... Le gars a peut-être pas assez joué, mais en même temps, peut-être qu'ils ont juste décidé de pas tant le faire jouer. Il a pratiqué avec des gars de NHL, il a côtoyé des André Markov, des Shea Weber, d'autres jeunes qui ont aussi vécu le en bas en haut, en bas en haut, mettons Greg Patterin, Nathan Beaulieu. Tu sais, il a vu plusieurs côtés à la médaille. Ça, je pense, c'est sûr que cette expérience peut être. L'expérience peut être bénéfique, mais c'est de l'expérience hors glace. Ce qui est quand même bien parce que c'est quand même Montréal. C'est un marché qui est assez religieux, carrément, dans le domaine du hockey. Fait que, comment je peux dire, quand il va revenir l'année prochaine, il sera pas surpris, tu sais. Il va déjà connaître la patente, là, puis il va être plus prêt, je crois. Autant au camp d'entraînement que s'il reste l'année prochaine. Logiquement, s'il est resté une couple de games cette année, l'année prochaine, il fait partie du 6 partant. Là. Selon moi. À moins qu'il y ait une grosse régression dans son jeu. Mais ouais. Avec le Spitfire, il va probablement jouer minimum 20 minutes. Minimum 25 minutes même. Il va jouer, ça n'a même pas de bon sens. Puis justement, cette expérience-là peut juste être transposée aussi dans la OHL. Honnêtement, je te dirais que oui, mais j'ai des petites réserves justement sur son temps de glace qui aurait pu être bonifié, surtout avec les bonnes performances de l'équipe. Écoute, directement sur Sergachev, là, t'as dit exactement tout ce que moi j'aurais pu dire. Je rajouterai rien sur lui directement. Par contre, tantôt je parlais de François Gagnon puis comment est-ce qu'il nous parle, comment est-ce qu'il nous lance des messages puis que des fois c'est un affront à notre intelligence. Ben, dans le dossier de Sergachev, Marc Bergevin a fait ça aussi. En début de saison, quand le Canadien a annoncé que Sergachev restait avec le Canadien de Montréal, Bergevin nous a déclaré haut et fort: ouais, on va évaluer au jour le jour, là, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec lui, puis on va prendre les décisions en conséquence, mais c'est vraiment au jour le jour. On apprend la semaine passée que Sergachev est retourné dans la Ligue de l'Ontario, et Bergevin, en entrevue aux médias, nous dit: ouais, Sergachev, on s'était vraiment dit là, en début de saison, là, on va lui donner un mois pour pouvoir l'évaluer, puis on va prendre notre décision à ce moment-là. Ma question est: pourquoi tu nous bullshit? Il a pas de l'air à répondre. Maudit, Marc, il est gêné. Ouais, hein, il la ligne a été coupée, on va le rappeler. Ouais, non, c'est ça. Parler, je vais le rappeler. Trêve d'humour. Pourquoi le Canadien de Montréal? Je peux comprendre pour des blessures. Il y a peut-être l'excuse de: oui, mais là, les autres joueurs vont viser ce pot-là. Fait qu'on le fait pas. Même s'il y a des autres, il y a d'autres clubs comme l'Avalanche Colorado qui disent c'est où les blessures puis qui jouent franc jeu. Pourquoi le Canadien de Montréal nous bullshit tout le temps? Pourquoi c'est toujours l'omerta? Pourquoi on nous dit rien? Le Canadien de Montréal déteste les sites comme le Dans les coulisses, comme 25 Stanley. Les déteste parce qu'ils n'arrêtent pas de sortir de l'information privilégiée. Ben, devine quoi? Si tu donnais plus d'informations toi-même, il n'y aurait pas besoin d'avoir des rats de poubelle, comme dit Régent Tremblay, pour insulter mes amis du Dans les coulisses, pour s'occuper d'aller sortir les vidanges. Puis en même temps, c'est que... mettre une parenthèse dedans, c'est qu'ils veulent tellement contrôler l'information à un point intense, là, que c'est sûr qu'il y en a qui vont couler à des places. Tandis que si tu contrôles en donnant du stock, il y a plus de chances que le monde arrête de gratter. Tu donnes du stock. Peut-être qu'ils sont affiliés avec Bell, justement. Ça dis rien, comme ça, on va faire des shows RDS. Ça doit. Ben, c'est drôle, ça. Alain de Chambre, jamais t'as entendu parler de ça. Mais dans le podcast de On Jase, Martin Lemay l'a soulevé. C'est drôle, hein? Il y a comme un laxisme. La coquille est comme moins rigide dans ce coin-là. Ils se permettent un peu plus. Mais c'est correct, c'est cool. Ça permet d'avoir un petit plus de vrai dans tout ça. Ben, c'est un changement. Puis tu viens de donner aussi pourquoi ils sont autant populaires, exemple, dans les coulisses 25 Stanley. C'est qu'ils donnent du vrai. T'as du stock de même que tu verras nulle part ailleurs parce que eux autres vont gratter à des places. Tu verras pas des photos de Nathan Beaulieu sur le party sur RDS. Ben non, mais pourtant ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. L'an passé, on a échangé Wiz, on a échangé Stamus, justement pour ça. Exact. Beaulieu a été chanceux, a été gardé, mais lui, c'est son potentiel, selon moi, qu'il garde. Galchenyuk aussi, il y a du monde. Les rumeurs ont fusé après. Il y avait des rumeurs d'échange pour Galchenyuk. Pourquoi? Parce qu'il était sur le party. On se souvient de Chanel. Ça a fait partie des discussions l'année passée, tu sais. Fait que... bref. Puis toutes ces informations-là sortent où? Dans les coulisses ou 25 Stanley, tu sais. Mm. Des gens qu'on respecte pas dans la communauté journalistique. C'est dommage. Non, mais par exemple, je veux faire un shout-out à Marc-Antoine Godin de La Presse. Oui. Pour avoir mentionné Dans les coulisses. Puis je suis vraiment content pour Dans les coulisses parce qu'enfin, un média sur la grande place publique qui ont mentionné un site quand même assez important qui pourrait... Ben, je peux quasiment vous dire que c'est un média sur la grande place, sauf que méconnu de beaucoup de gens. Donc, C'est cool. C'est très, très nice. Je veux qu'on revienne sur une autre affaire, un autre média fail. Il y en a plein. Le Canadien de Montréal, dégelé vendredi contre les Blue Jackets, 10-0. Je n'ai pas besoin de le mentionner. Hein? Ah, c'était pas les Sabres de Buffalo? Non, c'était les Blue Jackets. Et après la game, c'est dans notre chambre, parce que c'était RDS. Devine qui qu'il y avait dans les panélistes. Je sais pas. Mario Tremblay. Le gars qui était rendu célèbre en tant que coach du Canadien de Montréal pour avoir gardé Patrick Roy dans les buts. 8 buts contre Patrick Roy qui a mené un échange. D'ailleurs, je disais à la joke, qui gage que Montoya ne demandera pas un échange pour aller au Colorado pour gagner 2 coupes? Hein? On jase. Ouais. J'aime le malaise dans la vie. Il y en avait un sapristi de beau à l'antichambre parce qu'il y a personne qui osait réellement demander à Mario Tremblay, pis toi, qu'est-ce que t'aurais fait dans cette situation-là? Rire gras de barbe. Parce qu'encore une fois, on protège nos amis. Ouais. Parce qu'on n'est pas pour dire, ben voyons, Michel Therrien a manqué de respect envers son gardien de but. T'aurais Jean Tremblay qui l'a fait avec un des plus grands, sinon le plus grand gardien de l'histoire de la concession du Canadien de Montréal. On n'est pas pour faire ça. De un, on critiquerait le Canadien. De deux, on critiquerait un de nos chums. On fera pas ça. On est ben trop gentils. J'imagine que Mario Tremblay était assez... peu de mots. Il devait avoir peu de mots, non, sur la situation. J'ai pas écouté tout le show, là, j'ai vu des extraits, là, mais ça a comme pas de bon sens. Avoir été RDS, j'aurais demandé à Mario Tremblay soit de jouer franc-jeu, puis tu l'assumes amplement, ou tu ne fais pas le show. Tu le fais avec 4 gars, that's it. T'enlèves un panéliste, puis merci, bonsoir. T'as pas besoin de l'expliquer. Tu fais une cadre à caméra autrement, puis merci, bonsoir, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas... Qui a pas catché? Qui a écouté l'antichambre ce soir-là en se disant « Hmm, il n'y a rien de suspect. » Voyons. Il y en a pas, c'est qu'il y en a sûrement beaucoup qui ont pas fait cette allusion. T'sais. On n'est pas super bien desservi. Ouais. C'est le média traditionnel commence à être un peu gossant, on va dire dans nos mots. Il commence à être gossant en tabarouette. Ouais. On vous propose dans lescoulisses.com. On vous propose nous autres. D'ailleurs, on salue oui, tous les auditeurs qui... j'essaie là, à tous les jours de poser une question. Des fois farfelue, des fois sérieuse. On veut des discussions, on veut votre opinion. Vous avez le droit de jaser. Puis il n'y a personne qui se fait rabaisser avec nous autres. Ça, c'est garanti. On est ouvert à la discussion. On sera pas nécessairement d'accord, mais on va faire valoir nos points. Vous allez faire valoir les vôtres. Puis c'est bien correct de même. Puis c'est tant mieux. Puis d'ailleurs, je prends le temps. Je veux saluer les boys de la soirée du podcast qui était au Geekfest de Montréal en fin de semaine, qui ont fait un show live qui, eux aussi, semble-t-il, vont tomber dans une formule aux 2 semaines. C'est très cool. On est content de voir que eux aussi, ça va bien leurs affaires. Of course. C'est comme l'un des plus gros shows avec Production Young Media. On aime ça. Sinon, ben 30 minutes chrono qui est maintenant au jazz, c'est bien sûr disponible pour parler de hockey. Et aussi, le podcast Hockey Sans Limite, qui eux, c'est des malades mentaux. Mais dans le bon sens du terme, c'est des malades. Ils font un podcast de 30 minutes avant chaque game. Plus un recap de la semaine les dimanches. C'est fou. Donc, vous avez du podcast de hockey au pied carré au Québec. C'est tant mieux, gars. Je les plug ouvertement et avec grand plaisir. Je les salue, puis on est, gars, on est fiers de faire partie de cette communauté-là. Puis plus il y en aura, mieux ça sera, plus les gens vont pouvoir avoir des sources d'informations qui les ressemblent, qui n'ont pas écoute, le message pré-mâché par le Canadien de Montréal, puis qui disent les vraies affaires selon leurs propres opinions. Puis, gars, on fait notre show. Jerry, le Canadien, t'as-tu appelé, toi, avant le show pour te dire quoi dire? Ouais, justement, j'ai pas vraiment respecté. Ben, moi, j'ai pas eu d'appel. C'est sweet de ce bord-là, c'est tranquille. Fait qu'on dit vraiment ce qu'on pense. Des fois, ça se peut qu'on se trompe, ça arrive. Des fois, on a peut-être le doigt dessus, on est peut-être target sur la patente. Puis tant mieux aussi. Puis après ça, c'est à vous autres à démêler qu'est-ce qui fit avec votre opinion ou non. Puis de vous faire votre propre opinion, de vous faire votre image de la situation selon vos propres convictions. Puis ça, ben, c'est la beauté du sport. C'est la beauté de pouvoir en jaser. Puis dans le fond, toi, Jerry, moi, je vais gagner. Vous, les auditeurs, on a beau dire ce qu'on veut, là, on n'a aucun pouvoir sur la game. Fait que ça change rien. Fait qu'il faut pas le prendre personnel, là. Ceci était mon rant positif du podcast. C'était beau. C'était beau, hein? Je m'essuie les yeux, justement, en ce moment. J'ai des petites larmes qui sont versées. OK. je te pose directement une autre question. Mike Condon ou Al Montoya? Moi, je te dirais Al Montoya. Pour la simple et unique raison, l'expérience. Ça a l'air que l'expérience n'a pas acheté un ou deux arrêts supplémentaires vendredi contre Columbus. Non, effectivement. Mais l'expérience va lui permettre de dealer avec ce match atroce qui, on ne connaît pas la vraie histoire. Oui, Michel Therrien a-t-il manqué de respect envers Al Montoya en le laissant pendant toute la partie? Est-ce que Montoya lui a demandé de rester dans le filet? Parce qu'il non. Ça ne change absolument rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. On n'était pas dans le vestiaire. Puis comme tu dis, ça changera rien à la game. Mais petit aparté, là, on s'entend-tu que dans la tête à Michel Therrien, la fatigue de Price vaut plus que l'orgueil de Montoya? On peut faire ce calcul-là? Ouais. OK. Donc, toi, tu prends Montoya. Ben ouais. OK. Pour l'expérience, quand même. Moi, j'aurais pris Condon parce qu'il a subi cette saison-là de boîte l'an passé. C'était pas totalement de sa faute. Il y a une part de responsabilité. Mais par respect pour le gars, puis tu sais, en business, il n'y a pas d'amis, là. Fait que c'est correct aussi, là. Moi, j'aurais gardé Condon, plus jeune, plus de chances de s'améliorer qu'un Montoya. Mais bon, c'est pas des contrats à long terme. On sait très bien que c'est Price, le gardien numéro 1. Puis, ben, voilà. Fait que moi, j'aurais pris Condon, mais bon, rendu là. C'est-tu si pire que ça? Pas tant, parce que c'est le numéro 2, puis avec Carey Price, le numéro 2 va changer. Il va changer. C'est ça. Par contre, là, j'ai une autre question plus farfelue. Là, avant la défaite de vendredi, après la victoire contre les Canucks de Vancouver, c'était parti en peur. Tout le monde, Carey Price, c'est le meilleur joueur au monde. Ça se peut. Par contre, la question que je te pose, mon Jerry, c'est est-ce que tu échanges Price contre McDavid? En date d'aujourd'hui, t'as l'historique de blessure, t'as l'âge, t'as tous ces facteurs-là. C'est tough comme question. Parce que d'un sens, on va se le dire, t'échanges un joueur de franchise contre pour un autre joueur de franchise. Ouais. McDavid a aussi été blessé à clavicule, qui va probablement le ramener. Carey Price au genou, qui va probablement se ramener aussi. McDavid est plus jeune, mais Carey Price passe en moyenne beaucoup de matchs à jouer 60 minutes pour faire gagner l'équipe. Ouais, mais il y a des matchs qui n'est pas là pantoute. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais il va aller chercher 40 victoires. Ça dépend. Ça dépend. Ça se peut, mais en même temps. Je le sais pas, man. Pour vrai, ta question est tough en maudit, pour ne pas dire en barnac. Ok, ma question. Ok, je te twist ça un petit peu, ok? Mettons, on dit. Parce qu'il faut que ça soit fair, ok? Mettons, on dit McDavid à Montréal avec Cam Talbot, puis on envoie Price à Edmonton. Là, ça prendra un attaquant. Faut pitcher un attaquant. Plekanec. Genre, ben, pas Plekanec. C'est pas fair, là. Mettons, Pacioretty. On va prendre le capitaine. Parce que capitaine, puis gardien. On va y aller de même. Pacioretty est censé être le meilleur attaquant du Canadien. Bon. Est-ce que le Canadien de Montréal a une moins bonne fiche aujourd'hui? Avec McDavid et Cam Talbot. Puis le reste du club, pareil. Ben, logiquement, Cam Talbot a des bonnes victoires à Edmonton. Mais c'est un gardien dans moyenne, là. Ouais, c'est un genre de 1-2, dépendamment du club, là. Ouais. Pis t'as que McDavid qui torche les culs. Pis t'as pas de Weber, là, Edmonton, en défensive, là. Fait que normalement, un gardien moyen devrait être encore plus exposé. Là. T'as Adam Larson, pareil. Wow! Excusez, je fasse tout ce que je viens de dire. C'est de la merde. On oublie ça. Adam Larson for the win. Mais pour vrai, ta question est vraiment, vraiment tough. On dirait qu'il y a une partie de moi qui dit « Tabarouette, hey, faudrait. » Mais en même temps, tu mets Carey Price à Edmonton, puis le club va être sa coche sur un moyen temps. Tu penses? Ben, je pense que oui. Est-ce qu'Edmonton a une meilleure fiche avec Pacioretty et Price qu'avec McDavid et Cam Talbot? Je serais tenté de te dire que oui, moi. Juste à cause de Price. Peut-être. Pour vrai. Yeah, peut-être. Parce que honnêtement, eux autres, s'ils vont chercher un bon... Regarde la job que Cam Talbot fait en ce moment, qui... Moi, je pensais pas qu'elle allait être aussi ça à coche, là. Edmonton se sont replacés en maudit cette année. C'est un début de saison, ça peut se planter. Mais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une défensive faite de défenseurs de Ligue nationale. Ça aide. Ouais, non, c'est sûr. Mais imagine Carey Price à Edmonton. T'as un slide qui va être en. Ah, il va capoter. On le salue. Mais non, je sais pas pour vrai. Tabarouette. J'ai besoin de votre aide. Ceux qui nous écoutent. Sur Facebook, répondez. On va lancer la question demain quand le show est en ligne. On veut avoir votre réponse. Price ou McDavid? Moi, ils répondent au prochain show. Ben, moi, je prends McDavid juste pour la jeunesse puis le fait qu'il est là 82 matchs par saison. Tandis que Price, même en santé, ne sera pas là 82 matchs. Donc, théoriquement, t'as plus de possibilités d'avoir régulièrement ton meilleur joueur sur la glace. Mais un gardien... Et là, 60 minutes dans un match quand il est là. Fait que, tu sais, c'est. Mais je prendrais McDavid parce que historique de blessure, tu sais, clavicule, c'est moins important pour un joueur d'avant qu'un genou pour un gardien de but. Tu sais, c'est pas le même type de blessure. Pis, ouais, bon. Pas de clavicule, ça se bouge mal un bâton, on va te dire. Ouais, j'avoue. Avais-tu d'autres sujets, Jerry? Ben, je veux qu'on en parle rapidement. OK. C'est pas une surprise pour tout le monde. Il y a Sven Andrighetto qui a été rappelé, dans le fond, parce que Arturi Lehkonen est sur la liste des blessés pour je ne sais pas combien de temps. Mais donc, c'est probablement plus sérieux que c'est censé l'être. Le Canadien a rappelé Sven Andrighetto, dans le fond, des Ice Caps de St. John. Lui qui a 5 buts et 6 aides. Honnêtement, il torche un peu la ligue en bas, puis... C'est Sven Andrighetto. On le sait qu'en bas, il est super. Mais à Montréal, c'est pas tant, tu sais. Puis là, je voulais savoir, toi, dans le fond, je te donne un choix. Sven, c'est fait, mais je t'aurais donné un choix, mettons, entre Sven Andrighetto à 5 buts, 6 aides, un Charles Hudon à 8 buts, 4 aides, ou un Chris Terry à 5 buts, 8 aides. Je sais que probablement qu'il cherchait un ailier gauche ou un ailier droit. Un ailier, dans le fond, Charles Hudon n'est pas un ailier. Chris Terry n'est un. T'aurais remonté qui, toi, entre les trois? Parce qu'on va se dire que Sven et Hudon, c'est pas vraiment le même size. La rapidité, ils ont quand même la vision. Chris Terry, je sais qu'il est un petit peu plus gros. Ouais, mais tu sais, ça joue vraiment. Vitesse, là, c'est... Moi, je mise tout le temps le talent. Le talent, moi, ça, c'est ma priorité vraiment quand j'évalue un gars. Puis Sven Andrighetto, c'est pas le meilleur. C'est pas, tu sais. Il y a des failles, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus gros. Mais, bon, Joël, partout où est-ce qu'il était, il était capable de mettre des points au tableau. Fait que moi, en partant, j'aime beaucoup ça. J'aime le fait qu'il réussit à mettre des points, ça affiche de fin de match. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis en même temps, tu sais, Chris Terry, là, dans 89, là, il a 25 ans. Il y a 27 ans. C'est plus le temps de le développer. Tu sais, c'est plus un gars à développer, là. Fait que dans cette optique-là, moi, je te dis, vas-y pour la jeunesse. Fait que Hudon, Andrighetto, Sherbach, 6 buts, 4 passes, en 10 points en 12 games. Tu sais, pourquoi pas là, y faire vivre un petit peu de Ligue nationale? Chick Lekkonen est à gauche, Sherbach joue à droite. Mais tu sais, anyway, là, on va-tu vraiment le mettre dans l'alignement, là? Ouais, ben, ouais, c'est ça l'affaire. En plus, considérant que c'est Daniel Carr aussi qui va probablement un peu jouer. Oui, oui, ça va être Carr qui va jouer. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est, tu sais, de donner le vibe un peu NHL. Hey, le kid! Check qu'est-ce que tu pourrais vivre si tu te forçais, là, mais à 100%, là. Hey, tu vas avoir hâte, hein? Tu sais, la carotte au bout du bâton, là. Tu fais ça avec Sherback, là, pis, tu sais. Ah ouais, viens-t'en à Montréal. Prouve-nous que t'es là, là. Non, ouais, c'est ça. C'est une motivation de plus pour le jeune. Puis, en même temps, Charles Ludon, on s'entend-tu que l'an passé, à quelques occasions, aurait dû être rappelé. Ça allait tellement mal. Il y avait tellement de rappels, puis lui, on le rappelait pas. C'est chiant vers le gars. C'est encore un anandé potentiel qu'on aurait pu donner au gars. Tu sais, avant Terry, c'est clair. Je rappelle d'autres mondes avant Terry. Non, Terry, on oublie ça. Mais André Gatto, je suis dans avec ça. Udon, Sherback, whatever, man. Peu importe. McCarron aurait pu être un bon choix aussi. McCarron, t'as moins 3. Il est censé être. Ouais. Censé être bon défensivement. Un but seulement, 6 passes, 7 points en 10 games. Tu sais, c'est pas mauvais, mais. Ça allait bien. Il aurait pu apporter un peu de grit, la hargne qu'il n'y a pas nécessairement chez certains joueurs. Mais tu le sais qu'il ne jouera pas. Donc, de toute façon, là, c'est le genre de gars qu'il faut que tu lui donnes de la glace. Pour qu'il ait son air d'aller. Pis tout. Fait que, tu sais, il y a un peu de cette fonction-là. Tu sais, un Udon, même s'il manque 2-3 matchs parce qu'il est à Montréal, ça passe réel. Juste, il donnait le salaire NHL pendant une couple de jours, là. Tu sais, pour le remercier de ses services, puis il fait miroiter qu'il est encore dans les plans de l'organisation. J'aurais aimé ça. Sherback, j'aime l'idée que ben c'est un ancien premier choix. Pour une fois, il n'y a pas de blessure, ça va bien. La carotte, tu sais. Donne-y du rêve, là. Fais-y mordre à pleine dents dans l'expérience Ligue nationale. Tu sais, que quand il repart dans la Ligue américaine, là, qu'il soit déçu, là. Puis qu'il n'ait plus le goût de faire de l'autobus à Saint-Jean. Ah ouais, va vivre la Ligue nationale. Tu sais, pourquoi pas? Non, t'as parfaitement raison. Mais j'espère qu'ils vont faire jouer Sven André Gatto. Tu sais, qui montre, je pense. Tu sais, l'année passée, il avait été rappelé. Il est quand même super bien fait. Là. Il a comme une coupe de points. Puis, il est rapide. Je pense qu'il peut se démarquer. Tu sais, je pense qu'il est NHL ready aussi. Fait que, il est prêt. Moi, j'ai le feeling, par exemple, que s'ils font jouer, c'est pour la vitrine. Le gars est passé au balotage. Il n'a pas été pris, tant mieux. Pour nous autres. Mais là, faut-tu qu'il repasse? Ça, c'est des. Technicalité. Je pense que non, parce que il y a une blessure. Donc, il a été rappelé pour combler une blessure. Fait qu'il y a genre un certain nombre de jours, je pense. Puis s'il redescend, il peut pas. Mais ça, c'est une question de. Si tu passes le balotage, t'es clean de balotage pendant 30 jours. Fait que ça se peut que ça soit ça aussi, là. Mais bon, regarde, prenez pas ce qu'on vient de dire là pour du cash. Là. Si vous le savez, par exemple, dites-nous-le. Oui, exact. Oui, non, ça c'est clair. On va toujours prendre l'information si vous l'avez. Changement de sujet, question qu'on a eue de la part d'un de nos auditeurs, c'est Mathieu Petit qui nous demande: seriez-vous prêt à payer plus cher un joueur pour son leadership ou son expérience ou encore une Coupe Stanley? Puis lui, il cite l'exemple de Andrew Ladd ou encore, un petit peu comme on l'a vécu à Montréal, de Chat. Il dit, comment je dirais ça? J'essaie pas de traduire, là, mais j'essaie de lire en même temps. Il dit, je dis pas que c'est le cas pour que c'est ça qui est arrivé pour le salaire de Chat, mais ça pourrait être une des raisons, et il y a l'impression que Weber, dans 4-5 ans, ça va peut-être être pour ça qu'on va le payer, plus pour son expérience, son leadership, que pour ce qui amène vraiment ça à de l'as. Ouais, en même temps, chez Weber, je trouve que c'est une classe à part, dans le sens que c'est... ça. Oui, il y a l'expérience, s'il gagne une coupe à Montréal, oui, mais en même temps, c'est... Je trouve que Weber, c'est autre chose. Mettons, si on prend l'exemple de Andrew Ladd, mettons, que moi, je trouve que c'est un très bon exemple. En passant, Andrew Ladd ne fait absolument rien en ce moment. Je pense qu'il y a genre un point ou deux. Non, il y a un point moins 3 en 12 games. C'est ça. Pour un gars qui fait 7 millions par année ou même plus, c'est n'importe quoi. Pour combien de temps? Combien de temps? C'est 7 ans. 7 ans? 6 ou 7. Beaucoup trop. C'est la bonne réponse. C'est parce que ça dépend, tu sais. Comment qu'il pose la question, c'est est-ce que tu sais, si tu payes plus cher pour un joueur, je paierais plus cher pour un Shea Weber, mais justement, Shea Weber, c'est une classe à part. C'est autre chose. Vous pouvez, si vous avez suivi le show depuis le début de la saison, l'amour pour Weber, vous la connaissez pour dans mon cas. Mais tu sais, comme un Andrew Ladd, j'aurais pas payé. Écoute, on va. J'ai trouvé l'info, là. Il a un contrat de 7 ans, valeur de 5,5 en moyenne sur la masse salariale, mais en réalité, son salaire NHL, c'est 8 millions cette année, 7,5 l'an prochain, 6, 5, 4, 4, 4. Donc, c'est un front-load légèrement. Et il y a un couple de millions de signatures de bonus par saison. Là. Comme cette année, en réalité, il va être payé 1 million, mais au 1er juillet, il a reçu 7 millions. Fait que, ouais. Il a buildé son contrat de cette façon-là. À tous les années, il reçoit tout son salaire sauf 1 million. Puis le 1 million, il reçoit en paye à chaque mois de la saison. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas s'il y a une question d'impôt là-dessus. Mais en tout cas, c'est le genre de contrat que si tu le rachètes, ben tu rachètes juste la partie salaire. Les bonus de signature sont pas comptés là-dessus. Là. Ouais, c'est comme Ryan O'Reilly, là, ton contrat préféré. Hein? Ouais, fait que c'est le genre d'arnaque que les joueurs mettent de l'avant pour donner un edge à une équipe versus l'autre, mais en réalité, cette équipe-là, elle se peinture dans le coin. Fait que ça va pas bien. En fait, le bonus, c'est... comment je dirais ça? C'est à chaque 1er juillet. Fait que les bonus qui sont des années futures, ils comptent sur le rachat, mais ceux de l'année qui est en cours, si le 1er juillet est passé, ce bonus-là ne sera pas racheté. Fait que mettons que l'an prochain, les Islanders voulaient racheter le contrat d'Andrew Ladd, faudrait qu'ils le fassent avant le 1er juillet pour pouvoir étendre le 6,5 millions de bonus qu'il y aurait le 1er juillet sur les années de rachat. C'est technique, là, mais en tout cas, c'est un. Ben, pas un arnaque, là, mais c'est une façon de présenter le contrat pour avantager le joueur, encore une fois. Ouais, puis c'est ce qui va nous mener vers un autre lockout. Mm-hmm. C'est merveilleux. Ouais, totalement. Fait que. Moi, regarde, je le répète encore, pour moi, c'est le talent qui compte. Et encore une fois, si j'avais été une équipe qui avait eu, mettons, mettons les Coyotes de l'Arizona. On prend cet exemple-là. Ils ont de la place sur le plafond salarial. Je veux pas vraiment de Andrew Ladd. J'en veux pas. Par contre, je peux l'acquérir et j'ai l'espace pour. Je le ramasse et je l'échange par la suite. Directement ensuite. Ouais, mais ça, c'est plus tough à faire. Ben, pourquoi pas? Ben, tu signes quelqu'un pour t'en débarrasser et m'a dit que t'auras pas grand chose après. Tout le monde va dire, je jouerai pas là-bas aussi, ils vont me changer tout après. Ouais, mais de toute façon, les Coyotes de l'Arizona veulent bâtir par le repêchage. Ouais, je sais. Puis on a vu avec Jacob Chychrun en passant qui fait la job numéro 1. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas? Tu fais ça une année, là, t'en signes 2 ou 3 gros. Puis après ça, t'es recharges tout de suite avant même qu'il ait joué. Puis t'as des actifs. Tu vas chercher des kits, tu vas chercher. De la monnaie d'échange, tu sais, des pics, des choses comme ça, pour gonfler ta banque de prospects puis de jeunes joueurs, puis avoir un club gagnant 2-3 ans plus tard. C'est quelque chose qui n'a jamais été essayé. Je dis pas que ça fonctionnerait, mais ça a le mérite d'être essayé. Mm-hmm. Ah, c'est sûr. Donc, pour moi, le talent prime. Alors, leadership, je trouve que c'est overrated, pas à peu près. Tu sais... Je vais prendre l'exemple de Jonathan Toews, puis là, partez pas en peur, là. Mais il y a du monde qui disent que c'est le meilleur joueur au monde à cause de son leadership, à cause de meilleur capitaine. J'ai entendu du monde dire qu'il prenait Toews avant Crosby puis McDavid. Ben non, Crosby est complet, c'est un très bon capitaine, plus un très très bon joueur. Mais il y a du monde qui... Ah, mais là, les couples, là... Ben oui, mais on jase, là. On jase, Crosby, là, mais... il y a autant de coupes. Ouais, là, oui, là, maintenant, mais l'an passé, c'était pas le cas. Et, tu sais, qui prend dans la vie Henri Richard avant Maurice? Ben, moi, je prends Maurice avant. Ben, je sais bien. Mais pourtant, Henri, il a 11 coupes, c'est le record de la Ligue. Ouais, mais c'est tellement mieux une coupe. C'est une question de mélange aussi. C'est parce que ça dépend de ce que t'as sous la main. T'sais, c'est comme je te dirais. Moi là, j'ai une phrase pour toi. C'est bien beau avoir du talent, mais si t'as pas de leadership pour encadrer ton talent va être perdu. Carrément. Si t'as pas les joueurs pour placer les jeunes qui ont un talent immense, parce qu'il y en a qui ont un talent qui n'ont pas de tête ses épaules. Meilleur exemple, Evander Kane. Un Connor McDavid qui a le talent, mais que ce gars-là transpire le leadership, pas pour rien qu'il a eu cette année, là. Ce gars-là va être phénoménal. Sidney Crosby, c'est le même principe. Ce gars-là a le talent et le leadership. Ouais, mais là, tu dis un mix parfait, là. Oui, ça, c'est un mix parfait. Sauf que, exemple, Jonathan Toews, c'est pas un pied de céleri, là. Il va être bon, mais c'est pas le joueur qui va te faire 100 points par année. Il va t'en faire entre 60-80, puis tu vas être bien content avec ça. Sauf que ce gars-là, dans la chambre, peut te changer l'atmosphère en claquant des doigts. C'est ça l'importance du leadership. Un Patrick Kane, pas de Jonathan Toews en entour, ça se peut que Patrick Kane ait pas autant de succès. Il va être super bon, mais il aura pas autant de succès. Le leadership est tellement important pour les jeunes avec le talent, autant que les plus vieux. T'as besoin, c'est comme je te dirais, t'as besoin d'une police pour encadrer la société. C'est carrément la même affaire. Si t'as pas le leadership pour encadrer, je me répète là, mais moi le leadership c'est important pour moi. Puis je dis pas que le talent je vais l'oublier. Ça aussi c'est important, ça fait partie de du mix pour avoir une équipe gagnante. Ok, et si le leadership se trouvait ailleurs que chez les joueurs? Ah oui, non, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Fait que ça se prend tout ça. Oui, mais en même temps, ça t'en prend pareil, ça glace. Ben beau exemple, meilleur leadership côté coach. On a tous connu Stan Bowman, là. C'est un exemple numéro un. T'sais. Jacques Demers en était un super de bon leadership. C'est pas la même chose. Et c'est des coachs très différents aussi. T'as exemple, moi, mon coach numéro un en ce moment, c'est Barry Trotz. Ce gars-là me fait capoter. Puis il exerce aussi probablement un leadership assez intense dans le vestiaire des Capitals de Washington, qu'on peut même voir le changement de jeu d'un Alex Ovechkin, qui est probablement le genre de joueur qui se foutait de son coach parce que, regarde, je vais faire ce que je veux, je suis capable d'en crisser dedans, je vais faire ma game comme je veux. Le gars, en une année avec Barry Trotz, a changé carrément, est devenu défensif, capable d'en mettre dedans, mais sa production de points a baissé aussi. Sauf que il joue plus en équipe. Mm-hmm. Fait que je suis totalement d'accord avec toi que le leadership peut venir d'en haut, puis logiquement, c'est ce qu'il devrait faire. Sauf que, justement, le leadership d'en haut va décider du leadership dans la chambre. OK. Fait que là, je te pose une question, une petite colle, là. Parce que t'as cité les deux gars. Tu prends-tu Ovechkin ou tu prends Toews en premier? Moi, je prends Toews. Parce que Ovechkin, maintenant, est un bon leader. Parce qu'il y a quelqu'un qui a montré que c'était pas sa glace. Ouais, mais non. Tu comprends? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, Ovechkin s'est fait transformer par un leader. Mm-hmm. Tandis que Toews va mais te transformer. C'est ça que je t'ai dit. Le leader n'était pas sur la glace. C'est un coach qui l'a fait. Totalement. Moi, Ovechkin, j'enlèverais le C. C'est pour ça que je te dis le talent prime. Parce que le leadership, ça se paye pas. Il y a quelqu'un à un moment donné qui se lève quelque part, puis il y en a qui l'ont naturellement, qui vont le faire. Puis des fois, c'est même pas ceux que tu pensais qui, dans une chambre, à un certain moment, vont être tes leaders. Mais moi, je préfère que mon leader soit mon coach, que mon coaching staff, que mon DG soit ceux qui amènent la marche à suivre et soient ceux que les joueurs ont le goût de suivre, d'aller au combat avec eux autres. Oui. Je suis d'accord, je dirais pas que je suis pas d'accord avec toi, sauf que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, se débarrasser d'un coach est tellement facile. J'arrive pas à le dire. Le seul point positif, selon moi, que Michel Therrien soit encore à Montréal, c'est la stabilité. Ça fait 5 ans qu'il est là, il y a une mauvaise saison à date. On le blâme, mais pour une fois, il y a de la stabilité. Il reste trop longtemps, on chiale après. Il se fait mettre dehors, on va chialer après le prochain coach. Puis ça, je te le dis, c'est un de mes amis qui n'arrête pas de me le répéter à chaque fois. Salut Jean-Christophe. On chiale tout le temps. Là, je prends l'exemple de Montréal. Tout le temps, on chiale. Sauf que même là, justement, c'est 10-1-1. C'est la fiche du Canadien. Là. Ouais, mais en réalité, on le sait là, que c'est 8-3-1. Là. Peut-être. Mais c'est 10-1-1 pareil. Mais je suis d'accord avec toi, je vais prendre le talent aussi, mais ça prend du leadership. Ouais, mais il n'est pas obligé de venir de sa glace. Moi, c'est la nuance que j'amène. Puis tant qu'à payer des millions sur un joueur qui est average, mais qu'il y a du leadership. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Je ne paierais pas autant cher. Tu vois, mettons, Jonathan Toews, je vais te le dire tout de suite, je trouve qu'il est trop payé. Mais, Jonathan Toews, j'en veux un dans ma team. Je sais pas ce qu'on va, je veux dire. Oui. Mais. Tu sais, Crosby, je le paye. Parce que Crosby, c'est Crosby. Mais en même temps, Crosby a fait preuve de bien plus de leadership que Toews quand il a accepté un contrat à 8,7 millions au lieu de 10 points quelque. Je pense que c'est combien Toews et Kane leur contrat? C'est 10 millions chaque ou 10,5. Ouais, 10,5, je pense. Ça, c'est trop. Ben oui, puis gars, ils ont bloqué leur équipe. Ils ont de la misère à faire en sorte d'avoir une équipe compétitive année après année parce qu'ils n'ont plus d'espace sur le plafond salarial. La vraie game, j'arrête pas de le dire, la vraie game est dans les chiffres. Elle est dans les stats. C'est DG qui gagne la game. C'est pas ça, Atlas. C'est pas les coachs. C'est, plus tu vas avoir de talent, plus tu es capable de manœuvrer pour modifier la formule que tu as en place. Plus t'as de chances d'être capable d'avoir une équipe qui va gagner au bout de la ligne. Mais faut que t'encadres ce talent-là. Mais il est pas obligé de laisser à glace. J'ai l'impression qu'on se répète vraiment beaucoup. Ouais. Non, mais on se répète, oui, mais... C'est parce qu'en fait, si tu serais DG, on se travaillerait en même équipe, là, et on s'ostinerait en tabarouette. Moi, oui, puis ça serait parfait de même. Puis on y en ressortirait probablement les meilleures décisions possibles. Ah ouais, parce que tu veux ton talent, puis moi je te dirais, ok, va chercher ton talent, mais par contre du leadership. C'est à 10,5 chaque, les gars. C'est ça. Fait qu'on veut votre avis là-dessus aussi, leadership, oui. Talent. J'aime la question. Oui, hein? J'ai bien aimé le débat. Puis Price McDavid aussi, ça nous prend une réponse. Puis ouais. Condon, Montoya, ça nous prend des réponses. Ces réponses-là, vous pouvez nous les envoyer sur notre page Facebook. facebook.com/lapoc podcast. Ça sonne bien en tabarouette. On est vraiment contents. Sur notre site internet aussi, vous pouvez laisser des commentaires à la suite de chacun des shows. lapoc.net et sur Twitter, @LapocPodcast. Donc, tu sens venir, là, Jerry, où est-ce que je m'en vais, là? Ouais. Ouais, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, là? Ben, chez nous. Non, c'est pas vrai. À Saint-Jérôme. C'est tellement une vieille blague, en plus, mais c'est pas grave. On peut me retrouver sur Facebook, Jerry Godbout. Juste me mentionner que vous me connaissez de l'Apoc. C'était là que j'avais fait l'heure la semaine dernier show. J'ai dit hors jeu. Ça va venir. Donc, sur Facebook, mentionnez que vous connaissez de l'Apoc. Sinon, sur Twitter, @Godbout25, si vous voulez me parler de hockey, toujours plaisant. On aime beaucoup votre interaction. J'adore parler de hockey, donc n'importe quand. Hey, c'est très cool parce que plus ça va, plus il y a du monde qui interagisse avec nous autres, plus les questions qu'on lance, on voit qu'il y a des réponses à chaque fois. Puis ça nous drive. Plus il y a des réponses, plus j'ai le goût de vous poser des questions, puis de lancer des sujets, puis de mettre des gifs, des vidéos, écoute, plus vous allez nous en donner, plus on va vous en donner. On fait ça ensemble. C'est un projet qui rise parce que tout le monde a du fun. Pis ça, c'est vraiment cool. Ben, on fait ça pour vous autres, puis vous êtes là, fait que c'est merveilleux. Puis aussi, vous pouvez me retrouver sur les geeks qui sont parmi nous. Là, c'est vrai, parce qu'il y a vraiment un show, puis j'étais dedans. Hein? Avoue que t'es plus crédule en ce moment. Ah ouais, non, mais j'y croyais plus. Quand je l'ai entendu, mes oreilles n'en croyaient pas les yeux. Fait que c'est ça. Fait que les geeks qui sont parmi nous, vous pouvez m'écouter en podcast ou... nous rejoindre sur nos pages Facebook, Twitter et autres et parler avec nous, c'est très plaisant. Plus la culture geek, dont le nom les geeks sont parmi nous, donc jeux vidéo, films, ouais, c'est BD, bien fait pareil, hein? Puis tout ça. Ah ouais. Puis toi aussi, j'imagine qu'on peut te retrouver sur les internets. Ouais, sur Twitter @gangj_b, sur Facebook JB Gagné. Sinon, j'ai un autre projet qui s'appelle La Réalité Augmentée. D'ailleurs, j'ai fait une critique en solo de Doctor Strange. Puis là, mes boys, là, je leur dis ça, hey, j'ai fait un show. Puis là, ils font comme, ouais, mais on aurait pu le faire en gang. Ouais, mais je suis allé le voir. Puis là, vous étiez au Geek Fest. Puis là, je voulais en parler, bon. Enfin, je fais un show tout seul. Puis ben, j'ai eu des gros yeux de mes collaborateurs. Mais bon, je les aime pareil. Puis ils m'aiment pareil. Puis je voulais bien faire, là. Fait que, allez écouter ça. Moi qui parle tout seul d'un magicien pendant une heure. C'est quand même cool. Ah, ben, je vais aller écouter ça parce que j'ai pas écouté encore. C'est quand même cool. Fait que il y a ça, puis ben c'est pas mal ça là pour les réseaux sociaux. Vous savez où retrouver la réalité augmentée. Vous savez maintenant, ou vous le saviez déjà, où retrouver la POC. Puis ben je vous aime, Jerry vous aime. On vous aime, puis j'espère que vous nous aimez. Si c'est le cas, laissez-nous le savoir. Mettez-nous des étoiles sur iTunes. Téléchargez en masse notre émission, nos shows. Partagez l'information à vos amis. Vous avez des... Dans votre gang, là, vous êtes pas tout seul à triper sur le hockey. Ben non, c'est une affaire de gang, ça. Partagez le show, faut que ça soit connu. Puis ben, on vous dit à la prochaine fois, dans la prochaine POC, dans le prochain net, avec les prochaines passes à la palette, dans le prochain show, dans deux semaines. Merci, Jerry. Merci, Jubé. À la prochaine, tout le monde. Bye-bye. Ciao, là.